Charles de Secondat de Montesquieu. Tiré du livre 19e, des lois dans le rapport qu'elles ont avec les principes qui forment l'esprit général, les mœurs et les manières d'une nation. Chapitre 3. De la tyrannie. Il y a deux sortes de tyrannie, une réelle qui consiste dans la violence du gouvernement et une d'opinion qui se fait sentir lorsque ceux qui gouvernent établissent des choses qui choquent la manière de penser d'une nation. Dion dit qu'Auguste voulait se faire appeler Romulus, mais qu'ayant appris que le peuple craignait qu'il ne voulût se faire roi, il changea de dessein. Les premiers Romains ne voulaient point de roi parce qu'ils en pouvaient souffrir la puissance. Les Romains d'alors ne voulaient point de roi pour n'en point souffrir les manières, car quoique César, les triumvirs, Auguste, fussent de véritables rois, ils avaient gardé tout l'extérieur de l'égalité et leur vie privée contenait une espèce d'opposition avec le faste des rois d'alors. Et quand ils ne voulaient point de roi, cela signifiait qu'ils voulaient garder leurs manières et ne pas prendre celles des peuples d'Afrique et d'Orient. Dion nous dit que le peuple romain était indigné contre Auguste à cause de certaines lois trop dures qu'il avait faites, mais que, sitôt qu'il eut fait revenir le comédien Pilate, que les factions avaient chassé de la ville, le mécontentement cessa. Un peuple pareil sentait plus vivement la tyrannie lorsqu'on chassait un baladin que lorsqu'on lui ôtait ses lois. Chapitre 4. Ce que c'est que l'esprit général. Plusieurs choses gouvernent les hommes. Le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières, d'où il se forme un esprit général qui en résulte. À mesure que, dans chaque nation, une de ses causes agit avec plus de force, les autres lui cèdent d'autant. La nature et le climat dominent presque seuls sur les sauvages. Les manières gouvernent les Chinois, les lois tyrannisent le Japon, les mœurs donnaient autrefois le ton dans Lacédémone, les maximes du gouvernement et les mœurs anciennes le donnaient dans Rome. Chapitre 5. Combien il faut être attentif à ne point changer l'esprit général d'une nation. S'il y avait dans le monde une nation qui eût une humeur sociable, une ouverture de cœur, une joie dans la vie, un goût, une facilité à communiquer ses pensées, qui fût vive, agréable, enjouée, quelquefois imprudente, souvent indiscrète, et qui eût avec cela du courage, de la générosité, de la franchise, un certain point d'honneur. Il ne faudrait point chercher à gêner par des lois ses manières, pour ne point gêner ses vertus. Si en général le caractère est bon, qu'importe quelques défauts qui s'y trouvent. On y pourrait contenir les femmes, faire des lois pour corriger leurs mœurs et borner leur luxe. Mais qui sait si on n'y perdrait pas un certain goût qui serait la source des richesses de la nation et une politesse qui attire chez elle les étrangers. C'est au législateur à suivre l'esprit de nation lorsqu'il n'est pas contraire aux principes du gouvernement. Car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement et en suivant notre génie naturel. Qu'on donne un esprit de pédanterie à une nation naturellement gaie, l'État n'y gagnera rien, ni pour le dedans, ni pour le dehors. Laissez-lui faire les choses frivoles sérieusement, et gaiement les choses sérieuses. Chapitre 6. Qu'il ne faut pas tout corriger. Qu'on nous laisse comme nous sommes, disait un gentilhomme d'une nation qui ressemble beaucoup à celle dont nous venons de donner une idée. La nature est partout, elle nous a donné une vivacité capable d'offenser et propre à nous faire manquer à tous les égards. Cette même vivacité est corrigée par la politesse qu'elle nous procure, en nous inspirant du goût pour le monde et surtout pour le commerce des femmes. Qu'on nous laisse tel que nous sommes, nos qualités indiscrètes, jointes à notre peu de malice, font que les lois qui gêneraient l'humeur sociable parmi nous ne seraient point convenables. Chapitre 7. Des Athéniens et des Lacédémoniens. Les Athéniens, continuait ce gentilhomme, étaient un peuple qui avait quelque rapport avec le nôtre. Ils mettaient de la gaieté dans les affaires, un trait de raillerie lui plaisait sur la tribune comme sur le théâtre, cette vivacité qu'il mettait dans les conseils, il la portait dans l'exécution. Le caractère des Lacédémoniens était grave, sérieux, sec, taciturne. On n'aurait pas pu tirer d'un Athénien en l'ennuyant que de l'Lacédémonien en le divertissant. Chapitre 8. effet de l'humeur sociable. Plus les peuples se communiquent, plus ils changent aisément de manière. Parce que chacun est plus un spectacle pour un autre, on voit mieux les singularités des individus. Le climat qui fait qu'une nation aime à se communiquer fait aussi qu'elle aime à changer. Et ce qui fait qu'une nation aime à changer fait aussi qu'elle se forme le goût. La société des femmes gâte les mœurs et forme le goût. L'envie de plaire plus que les autres établit les parures. Et l'envie de plaire plus que soi-même établit les modes. Les modes sont un objet important. À force de se rendre à l'esprit frivole, on augmente sans cesse les branches de son commerce. Chapitre 9. De la vanité et de l'orgueil des nations. La vanité est un aussi bon ressort pour un gouvernement que l'orgueil en est un dangereux. Il n'y a pour cela qu'à se représenter, d'un côté, les biens sans nombre qui résultent de la vanité. De là, le luxe, l'industrie, les arts, les modes, la politesse, le goût. Et d'un autre côté, les maux infinis qui naissent de l'orgueil de certaines nations. La paresse, la pauvreté, l'abandon de tout, la destruction des nations que le hasard a fait tomber entre leurs mains et de la leur même. La paresse est l'effet de l'orgueil. Le travail est une suite de la vanité. L'orgueil d'un Espagnol le portera à ne pas travailler. La vanité d'un Français le portera à savoir travailler mieux que les autres. Toute nation paresseuse est grave, car ceux qui ne travaillent pas se regardent comme souverains de ceux qui travaillent. Examinez toutes les nations et vous verrez que, dans la plupart, la gravité, l'orgueil et la paresse marchent du même pas. Les peuples d'Hakim sont fiers et paresseux. Ceux qui n'ont point d'esclaves en louent un, ne fût-ce que pour faire 100 pas et porter 2 pintes de riz. Ils se croiraient déshonorés s'ils les portaient eux-mêmes. Il y a plusieurs endroits de la terre où l'on se laisse croître les ongles pour marquer que l'on ne travaille point. Les femmes des Indes croient qu'il est honteux pour elles d'apprendre à lire. C'est l'affaire, disent-elles, des esclaves qui chantent des cantiques dans les pagodes. Dans une caste, elles ne filent point. Dans une autre, elles ne font que des paniers et des nattes. Elles ne doivent pas même piler le riz. Dans d'autres, il ne faut pas qu'elles aillent guérir de l'eau. L'orgueil a établi ses règles et il les fait suivre. Il n'est pas nécessaire de dire que les qualités morales ont des effets différents selon qu'elles sont unies à d'autres. Ainsi, l'orgueil, joint à une vaste ambition, à la grandeur des idées, etc., produisit chez les Romains les effets que l'on sait. Chapitre 14. Quels sont les moyens naturels de changer les mœurs et les manières d'une nation ? Nous avons dit que les lois étaient des institutions particulières et précises du législateur et les mœurs et les manières des institutions de la nation en général. De là, il suit que lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois. Cela paraîtrait trop tyrannique. Il vaut mieux les changer par d'autres mœurs et d'autres manières. Ainsi, lorsqu'un prince veut faire de grands changements dans sa nation, il faut qu'il réforme par les lois ce qui est établi par les lois, et qu'il change par les manières ce qui est établi par les manières. Et c'est très mauvaise politique de changer par les lois ce qui doit être changé par les manières. La loi qui obligeait les moscovites à se faire couper la barbe et les habits, et la violence de Pierre Ier qui faisait tailler jusqu'aux genoux les longues robes de ceux qui entraient dans les villes, était tyrannique. Il y a des moyens pour empêcher les crimes, ce sont les peines. Il y en a pour faire changer les manières, ce sont les exemples. La facilité et la promptitude avec laquelle cette nation s'est policée ont bien montré que ce prince avait trop mauvaise opinion d'elle et que ses peuples n'étaient pas des bêtes, comme il disait. Les moyens violents qu'il employait étaient inutiles. Il serait arrivé tout de même à son but par la douceur. Il éprouva lui-même la facilité de ces changements. Les femmes étaient renfermées et en quelque façon esclaves. Il les appela à la cour, il les fit habiller à l'allemande, il leur envoyait des étoffes. Ce sexe goûta d'abord une façon de vivre qui les flattait si fort son goût, sa vanité et ses passions, et la fit goûter aux hommes. Ce qui rendit le changement plus aisé, c'est que les mœurs d'alors étaient étrangères au climat et avaient été apportées par le mélange des nations et par les conquêtes. Pierre Ier donnant les mœurs et les manières de l'Europe à une nation d'Europe, trouve à des facilités qu'il n'attendait pas lui-même. L'empire du climat est le premier de tous les empires. Il n'avait donc pas besoin de loi pour changer les mœurs et les manières de sa nation. Il lui suffit d'aspirer d'autres mœurs et d'autres manières. En général, les peuples sont très attachés à leurs coutumes. Les leur ôter violemment, c'est les rendre malheureux. Il ne faut donc pas les changer, mais les engager à les changer eux-mêmes. Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité est tyrannique. La loi n'est pas un pur acte de puissance. Les choses indifférentes par leur nature ne sont pas de son ressort. Chapitre 16. Comment quelques législateurs ont confondu les principes qui gouvernent les hommes. Les mœurs et les manières sont des usages que les lois n'ont point établis, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu établir. Il y a dans cette différence entre les lois et les mœurs que les lois règlent plus les actions du citoyen et que les mœurs règlent plus les actions de l'homme. Il y a cette différence entre les mœurs et les manières que les premières regardent plus la conduite intérieure, les autres l'extérieur. Quelquefois, dans un État, ces choses se confondent. Lycurgue fit un même code pour les lois, les mœurs et les manières, et les législateurs de la Chine en firent de même. Il ne faut pas être étonné si les législateurs de la Cédémone et de la Chine confondirent les lois, les mœurs et les manières. C'est que les mœurs représentent les lois et les manières représentent les mœurs. Les législateurs de la Chine avaient pour principal objet de faire vivre leur peuple tranquille. Ils voulurent que les hommes se respectassent beaucoup, que chacun sentît à tous les instants qu'il devait beaucoup aux autres, qu'il n'y avait point de citoyen qui ne dépendît à quelque égard de notre citoyen. Ils donnèrent donc aux règles de la civilité la plus grande étendue. Ainsi, chez les peuples chinois, on vit les gens de village observer entre eux des cérémonies comme les gens d'une condition relevée, moyen très propre à inspirer la douceur, à maintenir parmi le peuple la paix et le bon ordre, et à ôter tous les vices qui viennent d'un esprit dur. En effet, s'affranchir des règles de la civilité, n'est-ce pas chercher le moyen de mettre ses défauts plus à l'aise? La civilité vaut mieux, à cet égard, que la politesse. La politesse flatte les vices des autres, et la civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour. C'est une barrière que les hommes mettent entre eux pour s'empêcher de se corrompre. Lycurgue, dont les institutions étaient dures, n'eut point la civilité pour objet lorsqu'il forma les bannières. Il eut en vue cet esprit belliqueux qu'il voulait donner à son peuple. Des gens toujours corrigeants ou toujours corrigés, qui instruisaient toujours et étaient toujours instruits, également simples et rigides, exerçaient plutôt entre eux des vertus qu'ils n'avaient des égards. Chapitre 21. Comment les lois doivent être relatives aux mœurs et aux manières. Il n'y a que des institutions singulières qui confondent ainsi des choses naturellement séparées, les lois, les mœurs et les manières. Mais, quoiqu'elles soient séparées, elles ne laissent pas d'avoir entre elles de grands rapports. On demanda à Solon si les lois qu'il avait données aux Athéniens étaient les meilleures. « Je leur ai donné, répondit-il, les meilleures de celles qui pouvaient souffrir. » Belle parole qui devrait être entendue de tous les législateurs. Quand la sagesse divine dit au peuple juif « Je vous ai donné des préceptes qui ne sont pas bons », cela signifie qu'il n'avait qu'une bonté relative, ce qui est l'éponge de toutes les difficultés que l'on peut faire sur les lois de Moïse. Chapitre 22. Continuation du même sujet. Quand un peuple a de bonnes mœurs, les lois deviennent simples. Platon dit que Rhadamante, qui gouvernait un peuple extrêmement religieux, expédiait tous les procès avec célérité, déférant seulement le serment sur chaque chef. Mais, dit le même Platon, quand un peuple n'est pas religieux, on ne peut faire usage du serment que dans les occasions où celui qui jure est sans intérêt, comme un juge et des témoins. Chapitre 23. Comment les lois suivent les mœurs. Dans le temps que les mœurs des Romains étaient pures, il n'y avait point de loi particulière contre le peculat. Quand ce crime commença à paraître, il fut trouvé si infâme que d'être condamné à restituer ce qu'on avait pris fut regardé comme une grande peine. témoin le jugement de Scipion. Chapitre 24. Continuation du même sujet. Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d'attention à la conservation de la personne du pupille. Celles qui la donnent au plus proche héritier ont plus d'attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l'héritier des biens ou à la mère, et quelquefois à tous les deux. Si l'on réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l'on fit la loi des 12 tables, les mœurs à Rome étaient admirables. On déféra la tutelle aux plus proches parents du pupille, pensant que celui-là devait avoir la charge de la tutelle, qui pouvait avoir l'avantage de la succession. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu'elle fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devait être utile. Mais lorsque les mœurs changèrent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de façon de penser. Si dans la substitution pupillaire, disent Gaius et Justinien, le testateur craint que le substitué ne dresse des embûches au pupillaire, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire et mettre la pupillaire dans une partie du testament qu'on ne pourra ouvrir qu'après un certain temps. Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers Romains. Chapitre 27. Comment les lois peuvent contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d'une nation. Les coutumes d'un peuple esclave sont une partie de sa servitude. Celles d'un peuple libre sont une partie de sa liberté. J'ai parlé au livre 11 d'un peuple libre. J'ai donné les principes de sa constitution. Voyons les effets qui ont dû suivre, le caractère qui a pu s'en former et les manières qui en résultent. Je ne dis point que le climat n'ait produit en grande partie les lois, les mœurs et les manières de cette nation. Mais je dis que les mœurs et les manières de cette nation devraient avoir un grand rapport à ces lois. Comme il y aurait dans cet État deux pouvoirs visibles, la puissance législative et l'exécutrice, et que tout citoyen y aurait sa volonté propre et ferait valoir à son gré son indépendance, la plupart des gens auraient plus d'affection pour une de ces puissances, pour que l'autre, le grand nombre n'ayant pas ordinairement assez d'équité ni de sens, pour les affectionner également toutes les deux. Et comme la puissance exécutrice, disposant de tous les emplois, pourrait donner de grandes espérances et jamais de craintes, tous ceux qui obtiendraient d'elle seraient portés à se tourner de son côté et elle pourrait être attaquée par tous ceux qui n'en espéraient rien. Toutes les passions y étant libres, la haine, l'envie, la jalousie, l'ardeur de s'enrichir et de se distinguer, paraîtraient dans toute leur étendue. Et si cela était autrement, l'État serait comme un homme abattu par la maladie, qui n'a point de passion parce qu'il n'a point de force. La haine qui serait entre les deux parties durerait, parce que serait toujours impuissante. Ces parties étant composées d'hommes libres, si l'un prenait trop le dessus, l'effet de la liberté ferait que celui-ci serait abaissé, tandis que les citoyens, comme les mains qui secourent le corps, viendraient relever l'autre. Comme chaque particulier, toujours indépendant, suivrait beaucoup ses caprices et ses fantaisies, on changerait souvent de parti, ou on en abandonnerait un, ou l'on laisserait tous ses amis, pour se lier à un autre dans lequel on trouverait tous ses ennemis. Et souvent, dans cette nation, on pourrait oublier les lois de l'amitié et celles de la haine. Le monarque serait, dans le cas des particuliers, et contre les maximes ordinaires de la prudence, il serait souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l'auraient le plus choqué, et de disgracier ceux qui l'auraient le mieux servi, faisant par nécessité ce que les autres princes font par choix. On craint de voir échapper un bien que l'on sent, que l'on ne connaît guère et qu'on peut nous déguiser. Et la crainte grossit toujours les objets. Le peuple serait inquiet sur sa situation et croirait être en danger dans les moments même les plus sûrs. D'autant mieux que ceux qui s'opposeraient le plus vivement à la puissance exécutrice, ne pouvant avouer les motifs intéressés de leur opposition, ils augmenteraient les terreurs du peuple, qui ne serait jamais au juste s'il serait en danger ou non. Mais cela même contribuerait à lui faire éviter les vrais périls où il pourrait dans la suite être exposé. Mais le corps législatif, ayant la confiance du peuple et étant plus éclairé que lui, il pourrait le faire revenir des mauvaises impressions qu'on lui aurait données et calmer ses mouvements. C'est le grand avantage qu'aurait ce gouvernement sur les démocraties anciennes, dans lesquelles le peuple avait une puissance immédiate. Car lorsque les orateurs l'agitaient, ces agitations avaient toujours un effet. Ainsi, quand les terreurs imprimées n'auraient point d'objet certain, elles ne produiraient que de vaines clameurs et des injures. Et elles auraient même ce bon effet qu'elles tendraient tous les ressorts du gouvernement et rendraient tous les citoyens attentifs. Mais si elle naissait à l'occasion du renversement des lois fondamentales, elle serait sourde, funeste, atroce et produirait des catastrophes. Bientôt, on verrait un calme affreux, pendant lequel tout se réunirait contre la puissance violatrice des lois. Si dans le cas où les inquiétudes n'ont pas d'objet certain, quelque puissance étrangère menaçait l'État et le mettait en danger de sa fortune ou de sa gloire, pour lors, les petits intérêts cédant aux plus grands, tout se réunirait en faveur de la puissance exécutrice. Que si les disputes étaient formées à l'occasion de la violation des lois fondamentales et qu'une puissance étrangère parut, il y aurait une révolution qui ne changerait pas la forme du gouvernement ni sa constitution, car les révolutions que forme la liberté ne sont qu'une confirmation de la liberté. Une nation libre peut avoir un libérateur. Une nation subjuguée ne peut avoir qu'un autre oppresseur. Car tout homme qui a assez de force pour chasser celui qui est déjà le maître absolu dans un État, en a assez pour le devenir lui-même. Comme pour jouir de la liberté, il faut que chacun puisse dire ce qu'il pense, et que pour la conserver, il faut encore que chacun puisse dire ce qu'il pense, un citoyen, dans cet État, dirait et écrirait tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire ou d'écrire. Cette nation, toujours échauffée, pourrait plus aisément être conduite par ses passions que par la raison, qui ne produit jamais de grands effets sur l'esprit des hommes. Et il serait facile à ceux qui la gouverneraient de lui faire faire des entreprises contre ses véritables intérêts. Cette nation aimerait prodigieusement sa liberté parce que cette liberté serait vraie. Et il pourrait arriver que, pour la défendre, elle sacrifierait son bien, son aisance, ses intérêts, qu'elle se chargerait des impôts les plus durs, et tels que le prince le plus absolu n'oserait les faire supporter à ses sujets. Mais comme elle aurait une connaissance certaine de la nécessité de s'y soumettre, qu'elle paierait dans l'espérance bien fondée de ne payer plus, les charges y seraient plus pesantes que le sentiment de ces charges, au lieu qu'il y a des états où le sentiment est infiniment au-dessus du mal. Elle aurait un crédit sûr parce qu'elle emprunterait à elle-même et se paierait elle-même. Il pourrait arriver qu'elle entreprendrait au-dessus de ses forces naturelles et ferait valoir contre ses ennemis des immenses richesses de fiction que la confiance et la nature de son gouvernement rendraient réelles. Pour conserver sa liberté, elle emprunterait à de ses sujets, et ses sujets, qui verraient que son crédit serait perdu, si elle était conquise, auraient un nouveau motif de faire des efforts pour défendre sa liberté. Si cette nation habitait une île, elle ne serait point conquérante, parce que des conquêtes séparées l'affaibliraient. Si le terrain de cette île était bon, elle serait encore moins, parce qu'elle n'aurait pas besoin de la guerre pour s'enrichir. Et comme aucun citoyen ne dépendrait de notre citoyen, chacun ferait plus de cas de sa liberté que de la gloire de quelques citoyens ou d'un seul. Là, on regarderait les hommes de guerre comme des gens d'un métier qui peut être utile et souvent dangereux, comme des gens dont les services sont laborieux pour la nation même, et les qualités civiles y seraient plus considérées. Cette nation que la paix et la liberté rendraient aisée, affranchie des préjugés destructeurs, serait portée à devenir commerçante. Si elle avait quelqu'une de ces marchandises primitives qui servent à faire de ces choses auxquelles la main de l'ouvrier donne un grand prix, elle pourrait faire des établissements propres à se procurer la jouissance de ce don du ciel dans toute son étendue. Si cette nation était située vers le nord et qu'elle eût un grand nombre de denrées superflues, comme elle manquerait aussi d'un grand nombre de marchandises que son climat lui refuserait, elle ferait un commerce nécessaire mais grand avec les peuples du Midi et, choisissant les États qu'elle favoriserait d'un commerce avantageux, elle ferait des traités réciproquement utiles avec la nation qu'elle aurait choisie. Dans un État où, d'un côté, l'opulence serait extrême et de l'autre, les impôts excessifs, on ne pourrait guère vivre sans industrie, avec une fortune bornée. Bien des gens, sous prétexte de voyage ou de santé, s'exileraient de chez eux et iraient chercher l'abondance dans les pays de la servitude même. Une nation commerçante a un nombre prodigieux de petits intérêts particuliers. Elle peut donc choquer et être choquée d'une infinité de manières. Celle-ci deviendrait souverainement jalouse et elle s'affligerait plus de la prospérité des autres qu'elle ne jouirait de la sienne. Et ces lois d'ailleurs douces et faciles pourraient être si rigides à l'égard du commerce et de la navigation qu'on ferait chez elle qu'elle semblerait ne négocier qu'avec des ennemis. Si cette nation envoyait au loin des colonies, elle le ferait plus pour étendre son commerce que sa domination. Comme on aime à établir d'ailleurs ce qu'on trouve établi chez soi, elle donnerait au peuple de ses colonies la forme de son gouvernement propre. Et ce gouvernement, portant avec lui la prospérité, on verrait se former de grands peuples dans les forêts mêmes qu'elle enverrait habiter. Il pourrait être qu'elle aurait autrefois subjugué une nation voisine qui, par sa situation, la bonté de ses ports, la nature de ses richesses, lui donnerait de la jalousie. Ainsi, quoiqu'elle lui donnait ses propres lois, elle la tiendrait dans une grande dépendance, de façon que les citoyens y seraient libres et que l'État lui-même serait esclave. L'État conquis aurait un très bon gouvernement civil, mais il serait accablé par le droit des gens et on lui imposerait des lois de nation en nation qui seraient telles que sa prospérité ne serait que précaire et seulement en dépôt pour un maître. La nation dominante, habitant une grande île, étant en possession d'un grand commerce, aurait toutes sortes de facilités pour avoir des forces de mer, et comme la conservation de sa liberté demanderait qu'elle n'eût ni place, ni forteresse, ni armée de terre, elle aurait besoin d'une armée de mer qui la garantie des invasions. Et sa marine serait supérieure à celle de toutes les autres puissances, qui, ayant besoin d'employer leurs finances pour la guerre de terre, n'en auraient plus assez pour la guerre de mer. L'empire de la mer a toujours donné aux peuples qui l'ont possédé une fierté naturelle, parce que, se sentant capables d'insulter partout, ils croient que leur pouvoir n'a plus de bornes que l'océan. Cette nation pourrait avoir une grande influence dans les affaires de ses voisins, car comme elle n'emploierait pas sa puissance à conquérir, on rechercherait plus son amitié et l'on craindrait plus sa haine que l'inconscience de son gouvernement et son agitation intérieure ne semblerait le promettre. Ainsi, ce serait le destin de la puissance exécutrice d'être presque toujours inquiétée au-dedans et respectée au-dehors. S'il arrivait que cette nation devint, en quelques occasions, le centre des négociations de l'Europe, elle y porterait un peu plus de probité et de bonne foi que les autres, parce que ses ministres étant souvent obligés de justifier leur conduite devant un conseil populaire, leurs négociations ne pourraient être secrètes et ils seraient forcés d'être, à cet égard, un peu plus honnêtes gens. De plus, comme ils seraient en quelque façon garants des événements qu'une conduite détournée pourrait faire naître, le plus sûr pour eux serait de prendre le plus droit chemin. Si les nobles avaient eu dans un certain temps un pouvoir immodéré dans la nation et que le monarque eût trouvé le moyen de les abaisser en élevant le peuple, le point de l'extrême servitude aurait été entre le moment de l'abaissement des grands et celui où le peuple aurait commencé à sentir son pouvoir. Il pourrait être que cette nation ayant été autrefois soumise à un pouvoir arbitraire, en aurait en plusieurs occasions conservé le style, de manière que, sur le fond d'un gouvernement libre, on verrait souvent la forme d'un gouvernement absolu. À l'égard de la religion, comme dans cet État, chaque citoyen aurait sa volonté propre et serait par conséquent conduit par ses propres lumières ou ses fantaisies, Il arriverait ou que chacun aurait beaucoup d'indifférence pour toutes sortes de religions, de quelque espèce qu'elles fussent, moyennant quoi tout le monde serait porté à embrasser la religion dominante ou que l'on serait zélé pour la religion en général, moyennant quoi les sexes se multiplieraient. Il ne serait pas impossible qu'il y eût dans cette nation des gens qui n'auraient point de religion et qui ne voudraient pas cependant souffrir qu'on les obligeât à changer celle qu'ils auraient, s'ils en avaient une. Car ils sentiraient d'abord que la vie et les biens ne sont pas plus à eux que leur manière de penser, et que ce qui peut ravir l'un peut encore mieux ôter l'autre. Si parmi les différentes religions il en avait une à l'établissement de laquelle on eût tenté de parvenir par la voie de l'esclavage, elle y serait odieuse, parce que, comme nous jugeons des choses par les liaisons et les accessoires que nous y mettons, celle-ci ne se présenterait jamais à l'esprit avec l'idée de liberté. Les lois contre ceux qui professeraient cette religion ne seraient point sanguinaires, car la liberté n'imagine point ces sortes de peines, mais elle serait si réprimante qu'elle ferait tout le mal qui peut se faire de sang-froid. Il pourrait arriver, de mille manières, que le clergé aurait si peu de crédit que les autres citoyens en auraient davantage. Ainsi, au lieu de se séparer, il aimerait mieux supporter les mêmes charges que les laïcs et ne faire à cet égard qu'un même corps. Mais comme il chercherait toujours à s'attirer le respect du peuple, il se distinguerait par une vie plus retirée, une conduite plus réservée et des mœurs plus pures. Ce clergé ne pouvant protéger la religion, ni être protégé par elle, sans force pour contraindre, chercherait à persuader. On verrait sortir de sa plume de très bons ouvrages pour prouver la révélation et la providence du grand être. Il pourrait arriver qu'on éluderait ses assemblées, qu'on ne voudrait pas lui permettre de corriger ses abus même, et que par un délire de la liberté, on aimerait mieux laisser sa réforme imparfaite que de souffrir qu'il fût réformateur. Les dignités faisant partie de la constitution fondamentale seraient plus fixes qu'ailleurs. Mais de l'autre côté, les grands, dans ce pays de liberté, s'approcheraient plus du peuple. Les rangs seraient donc plus séparés et les personnes plus confondues. Ceux qui gouvernent ayant une puissance qui se remonte, pour ainsi dire, et se refait tous les jours, auraient plus d'égard pour ceux qui leur sont utiles que pour ceux qui les divertissent. Ainsi, on y verrait peu de courtisans, de flatteurs, de complaisants, enfin de toutes ces sortes de gens qui font pire aux grands le vide même de leur esprit. On y estimerait guère les hommes par des talents ou des attributs frivoles, mais par des qualités réelles. Et de ce genre, il n'y en a que deux, les richesses et le mérite personnel. Il y aurait un luxe solide, fondé non pas sur le raffinement de la vanité, mais sur celui des besoins réels, et l'on ne chercherait guère dans les choses que les plaisirs que la nature y a mis. On y jouirait d'un grand superflu. Et cependant, les choses frivoles y seraient proscrites. Ainsi, plusieurs, ayant plus de biens que d'occasions de dépenses, l'emploieraient d'une manière bizarre, et dans cette nation, il y aurait plus d'esprit que de goût. Comme on serait toujours occupé de ses intérêts, on n'aurait point cette politesse qui est fondée sur l'oisiveté, et réellement, on n'en aurait pas le temps. L'époque de la politesse des Romains est la même que celle de l'établissement du pouvoir arbitraire. Le gouvernement absolu produit l'oisiveté, et l'oisiveté fait naître la politesse. Plus il y a de gens dans une nation qui ont besoin d'avoir des ménagements entre eux et de ne pas déplaire, plus il y a de la politesse. Mais c'est plus la politesse des mœurs que celle des manières qui doit nous distinguer des peuples barbares. Dans une nation où tout homme à sa manière prendrait part à l'administration de l'État, les femmes ne devraient guère vivre avec les hommes. Elles seraient donc modestes, c'est-à-dire timides. Cette timidité ferait leur vertu, tandis que les hommes, sans galanterie, se jetteraient dans une débauche qui leur laisserait toute leur liberté et leur loisir. Les lois n'y étant pas faites pour un particulier plus que pour un autre, chacun se regarderait comme monarque, et les hommes de cette nation seraient plutôt des confédérés que des concitoyens. Si le climat avait donné à bien des gens un esprit inquiet, des vues étendues, dans un pays où la Constitution donnerait à tout le monde une part au gouvernement et des intérêts politiques, on parlerait beaucoup de politique. On verrait des gens qui passeraient leur vie à calculer des événements, qui, vu la nature des choses et le caprice de la fortune, c'est-à-dire des hommes, ne sont guère soumis au calcul. Dans une nation libre, il est très souvent indifférent que les particuliers raisonnent bien ou mal. Il suffit qu'ils raisonnent. De là sort la liberté, qui garantit des effets de ces mêmes raisonnements. De même, dans un gouvernement despotique, il est également pernicieux qu'on raisonne bien ou mal. Il suffit qu'on raisonne pour que le principe du gouvernement soit choqué. Bien des gens qui ne se soucieraient de plaire à personne s'abandonneraient à leur humeur. La plupart, avec de l'esprit, seraient tourmentés par leur esprit même. Dans le dédain ou le dégoût de toute chose, ils seraient malheureux, avec tant de sujets de ne pas l'être. Aucun citoyen ne craignant aucun citoyen, cette nation serait fière, car la fierté des rois n'est fondée que sur leur indépendance. Les nations libres sont superbes, les autres peuvent être plus aisément être vaines. Mais ces hommes si fiers, vivant beaucoup avec eux-mêmes, se trouveraient souvent au milieu des gens inconnus. Et ils seraient timides et l'on verrait en eux la plupart du temps un mélange bizarre de mauvaise honte et de fierté. Le caractère de la nation paraîtrait surtout dans leurs ouvrages d'esprit, dans lesquels on verrait des gens recueillis et qui auraient pensé tout seuls. La société nous apprend à sentir les ridicules. La retraite nous rend plus propres à sentir les vices. Leurs écrits satiriques seraient sanglants et l'on verrait bien des juvéniles chez eux avant d'avoir trouvé un Horace. Quand les monarchies extrêmement absolues, les historiens trahissent la vérité parce qu'ils n'ont pas la liberté de la dire. Dans les États extrêmement libres, ils trahissent la vérité à cause de leur liberté même, qui produisant souvent des divisions, chacun devient aussi esclave des préjugés de sa faction qu'il ne serait d'un despote. Leurs poètes auraient plus souvent cette rudesse originale de l'invention qu'une certaine délicatesse que donne le goût. On y trouverait quelque chose qui approcherait plus de la force de Michel-Ange que de la grâce de Raphaël. Enfin,